Travail à cœur, Marilyn Gomez. Bonjour à tous et bienvenue. La démocratie sociale et justice en France aujourd'hui, c'est le thème de notre émission. Pierre Bolliveau, vous avez été juge à Montréal. Pouvez-vous nous faire un tour d'horizon sur le mode de fonctionnement au Canada? Est-ce que c'est différent de celui en France? Bien, évidemment, le système est tout à fait, à mes égards, différent. Les tribunaux, les juges ont une très grande autonomie. L'indépendance judiciaire est extrêmement poussée. Mais je dirais que, pour avoir discuté avec des amis, notamment avec Fabrice Vert, et pour assez bien connaître et la France et le Canada, parce que je suis binational, je vis ici depuis un bon nombre d'années, je pense que une des grandes différences est dans la mentalité. Une statistique qui illustre bien des choses. Sur 100 dossiers ouverts à la Cour supérieure du Québec, dont j'étais membre, et pour laquelle, lorsque je vais à Montréal, je continue à faire des conférences de règlement à l'amiable, un peu l'équivalent de la conciliation judiciaire ici, qui est faite par des juges. Pour 100 dossiers, il y en a 7,5% qui sont plaidés. Bon. Alors, comment ça règle toutes les autres? À peu près 80% font l'objet d'aucune médiation, tout simplement de négociations entre les avocats et les représentants de leurs clients. Et on arrive à un consentement, donc dans 80% des cas. Dans les autres cas, donc une douzaine de pourcents, il y a des médiations, des conférences de règlement à l'amiable. Et tout ça fonctionne assez bien. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus ici en France? Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Ben, pour avoir eu des discussions avec des amis et tout, c'est sûr que de mentalité, en France, les gens sont plus confrontationnels, si vous me permettez l'expression. Et je sais que ce n'est pas nécessairement dans les mœurs françaises d'aller vers la conciliation. Je pense qu'il se fait beaucoup moins de médiation, de conciliation. La négociation, ce qu'on m'a expliqué, c'est beaucoup moins répandu ici. Mais je ne veux pas non plus qu'on pense qu'on est nécessairement plus vertueux. On est peut-être différent à mes égards. Je dis souvent que les Québécois, nous sommes des anglo-saxons protestants qui parlons français. Mais il y a aussi le coût de la justice qui est beaucoup plus grand d'un pays anglo-saxon. Ici, un procès d'une journée, c'est un procès long. Au Canada, c'est un procès court. J'ai présidé des procès qui ont duré 40 jours, bon, en droit familial. Ce qui n'a, je le dis, aucun sens. Bon, on a des règles, à mon sens, et toute la preuve est orale. On devrait avoir plus de preuves par écrit comme ici, avec possiblement des contre-interrogatoires. Je pense que nous aussi, on a des problèmes. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pour les auditeurs justement la conférence de règlement amiable qui est présidée par un juge, si j'ai bien compris? Exact, exact. Parce que ça n'existe pas en France, ça non. Pourrait s'instaurer en France d'ailleurs. Oui, oui. Mais évidemment, d'abord ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque une action est instituée en matière familiale, les parties peuvent avoir gratuitement 5 heures de médiation. Bon, elles ne le font pas tout le temps. Alors, mais lorsqu'une action est instituée, les parties peuvent demander une conférence de règlement à l'amiable, ce qu'on appelle chez nous une CRA, C-R-A, et très rapidement, parce que depuis quelques années, on a pris les juges à la retraite, dont je suis, qui en font, et donc qui assistent la Cour parmi les autres juges. Et donc, on peut avoir une C-R-A dans une période d'à peu près un mois. Bon. Donc, dès l'institution de l'action. Et le taux de succès est aussi entre 80 et 85 des cas. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y en est? Tout simplement, c'est comme une médiation, c'est comme une conciliation judiciaire ici, mais il est évident que dans la mesure où c'est un juge qui la préside, il a un ascendant moral incroyable. Bon, maintenant, autre facteur, je pense, qui amène beaucoup de succès. Il faut savoir que dans le système judiciaire anglo-saxon et au Canada, on a le système judiciaire anglo-saxon, enfin d'inspiration anglo-saxonne. Les juges sont des anciens avocats. Hein? Les gens deviennent juges vers 45 ans, plus ou moins. La Constitution dit qu'il faut avoir été avocat 10 ans, mais en pratique, c'est 20-25. Bon, les personnes deviennent juges vers 40-45 ans. Donc, les juges et les avocats sont issus d'un même corps. Bon, ces gens-là sont habitués à se parler. Bon. Alors, ça facilite le travail énormément. Et évidemment, aussi, lorsque les parties sont là, Il y a leur litige, on écoute sommairement les parties, ils nous expliquent ce qu'il y en est, les avocats complètent. Donc, j'insiste là-dessus, les avocats et les juges sont habitués à travailler ensemble, même si socialement, ils ne peuvent pas se fréquenter, ce qui est une autre histoire. Et donc, rapidement, le juge peut dire, et là, on intervient. C'est pas du tordage de bras, comme on dit, mais on donne la vérité. Bon. Alors, si quelqu'un demande quelque chose qui n'a pas de sens, on va lui dire. On va dire, ça, monsieur ou madame, ça n'a pas de sens. Demandez à votre avocat si j'ai tort. Bon, alors donc, ça balise rapidement le débat. Et, bon, ensuite, on peut faire, comme ici, des caucus, des séances. Et, comme je vous dis, c'est sûr également, une chose que je fais souvent, quand il y a des procès prévus pour 10, 15 jours, je leur dis, on va faire un budget. Combien ça va vous coûter, ce procès-là? Alors, souvent, en droit matrimonial, si on arrive que ça peut leur coûter 50 000 $, je leur dis tout simplement, vous savez, cet argent-là, vous avez le choix de le laisser à vos enfants ou aux enfants de vos avocats. Bon, ça fait réfléchir. Bon, les coûts de la justice sont très élevés, c'est ainsi, mais donc, un peu tout le monde en est conscient parce qu'on arrive, je le répète, en bout de ligne à 7,5% Procès. Donc, si je comprends bien, en fait, le juge réunit les deux parties qui, par le dialogue, par la restauration du dialogue, absolument, cherchent à régler leurs différends en évitant d'aller, en fait, au procès, OK? Ouais. À des coûts, moins, faut le dire, sont assez dynamiques. Ouais, bien sûr. Alors, par contre, comment ça se passe? Est-ce que c'est le même juge qui va animer la CRA, comme vous dites? À jamais. Voilà, c'est un autre juge qui joue. Oui, le juge est tenu... Voilà. On signe un accord de confidentialité. D'accord. Et ça, on l'explique aux parties que jamais le juge du procès, s'il y en a un, sera au courant de ce qui s'est dit. D'accord. Ah, mais ça, c'est évident. D'accord, OK. C'est comme en médiation. Il n'y a rien... S'il n'y a pas la confiance... Donc, l'intérêt dans cette affaire, comme vous nous l'expliquez très bien, c'est le fait que le juge... Et à la fois donc, dans sa stature de juge, dans sa fonction, donc, comme vous dites, il a, je dirais, une aura, il a donc quelque part une emprise, et il est catalyseur de la réflexion commune pour arriver à une certaine sagesse, si je comprends bien, dans le règlement du contentieux. Ouais. Et il faut dire aussi que dans le système judiciaire de tradition anglo-saxonne, notamment au Canada, en Angleterre, les juges, il faut appeler les choses par leur nom, c'est une fonction extrêmement prestigieuse. Ouais, d'accord. On a énormément de respect pour le juge. Ici, je vois parfois à la télévision des avocats qui critiquent un juge. Vous dites 10% de ça au Québec, puis vous vous retrouvez devant le barreau. Je veux dire, on peut dire, je ne suis pas satisfait de la décision, je vais la porter en appel, mais on ne dira pas le juge s'est fourvoyé, puis il a été ici, il a été ici. C'est d'accord. Impensable. Alors, la fonction judiciaire est très respectée. Ouais.